J'ai reçu un téléphone portable. Il ne fait que sonner tout le temps. J'aime pas tellement les portables. Noël, j'ai reçu un téléphone portable. Il ne fait que sonner tout le temps. Je n'aime pas tellement les portables. Je n'aime pas tellement les portables. Je n'aime pas tellement les portables.